l'enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime. Comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime. Comme ça qu'on s'aime. Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats. C'est ça, moi j'évolue pas pour un sou. Moi parler de glacier, si couler, moi fâché. Je saurai où te chercher quand comme moi tu seras perché. Mais oui, oui, retiens-moi bien. Piercing tout comme les tiens. Le même trou qu'à la couche d'ozone, je te le ferai. Allez, tu peignes mes vol, voyage. Fais-les tes reportages, mes potes collent. Crache loin dans votre bol de potage, dans votre monde de gotha. Moi, je n'en voulais pas. Évidemment que tu crois, mais on se tait quand on ne sait pas. Ta bouche, trop bêta. Écoute, la nature est là. Ne vous étonnez pas, ça pue le coup d'état. Modernisé, pourquoi tu me parles mal? Je respecte les pygmées, donc respecte les Maasai. Je respecte ton terrier, respecte mes terres. Je respecte les insectes, donc respecte les mammifères. Je te l'explique encore, moi devoir définir. Toi pas comprendre, pas parler ou plutôt réfléchir. Le pauvre il faut l'aider, son pote il faut l'aider. Donc délégué au délégué, qui déléguera au délégué. Imbécile tel, même si tel, trop risqué d'être écouté. Même à telle ou telle heure, c'est un euphémisme. Oui je t'idéalise, la culture de la bêtise. De ça oui je suis raciste. Humano. Les 4 fois que ton hélico passe, tout le village a les boules. Passez, mais faites gaffe. Hein, si un jour il s'écroule, y'a pas de gang ou de police. Non, ce n'est pas la zone ici. Les jaguars ne roulent pas. Chez moi, c'est l'Amazonie où c'était pour ce qu'il en reste.